lâche, je sais moi, je sais ce qu'il te plaît. Un son qui blesse, sans dire s'il te plaît, qui inflige juste qu'il te plaît. Que les aiguilles des piqûres et des montres ne guérissent pas. On démontre que ça se passe aussi ailleurs que Marseille et Ripaille. Coup de mec, un nouveau coup de maître. Si tu kiffes app, c'est que t'aimes pas le rap. Donc t'as des goûts de merde, ok. Je suis agité, je suis sans pitié, la vérité, tu peux m'imiter, t'es mal barré, je suis trop carré, je suis trop taré, je suis trop codé. Faire tomber les potes, le passe-temps décondé, menotté, tête baissée, c'est comme ça qu'il aura baissé, renoncer, pas question l'état, je vais carboniser, j'ai tout misé, je vais atomiser les caisses, je vais les terroriser. Je mets tout le monde à la risée, la crise, sache qu'on l'a prisé, je viens briser, le son comme ta tête après avoir teasé, je suis pas du tout sponsorisé, je suis jamais organisé, c'est que de l'alcool que je t'ai pissé, sous amnésia, j'amnésie, j'ai choqué, verbalisé, le viser, canabiser, analyser, canaliser, que je kiffe les ambiances tamisées. Tu as maté un kamikaze, explosif et mon phrasé. Je représente les têtes à tout et toutes les têtes rasées. On a assaisonné pour te livrer un rap assaisonné. On a le mental de guerrier, c'est pour ça que c'est dur de nous raisonner.